Double S on the track, bitch. Caillou C, je dois la détailler, je dois ravitailler, je vise la tête pas les pieds, si tu veux racailler, pute, je vise la tête pas les pieds, pute, si tu veux racailler, une vie, une balle, on t'arrache le cœur par le trou de balle, serre-moi du cristal, je suis VIP à tes funérailles, riche comme Ben Ali, tu simules pour avoir un penalty, 9-3, 2-7, A4, 47, laisse mijoter, ça fait du crâne. Les deux bras et ça fait crâne. Direct dans le cul, j'passe par là. Et la cigogne ne viendra pas. Armé comme à l'époque du clos, j'fais plus de l'art que d'emblot. Tu vas mourir une heure plus tôt, frère, parce qu'on passe à l'heure d'hiver. Merco, narco, braco, El Chapo. J'fais des millions à la cité et j'vais tout claquer dans le VIP. Sport plus, Rolex, Brabus, j'suis en mode S. J'fais des millions à la cité et j'vais tout claquer dans le VIP. Palais fumé, donne-moi une raison. La livraison est bresson, hey. Rentre dans le fion en discrétion, hey. Saute sur ton crâne sans pression, hey. Je me donne raison, hey. Quand tu pouquines, nous nous taisons, hey. Fusil à grande précision, hey. Planqué sous le lit à la maison, hey. Trafic sur tous les axes. Travail, il me faut un gaz. On va faire tomber tous les masques. Je suis indépendant comme un basque. Je tourne au tiercard comme un condé. Dans ton secteur, je règle business. C'est pas grave si je suis foncedé. Je mets le régulateur de vitesse, hey. Bitches, hey. Ramenez-moi vite de la tease, hey. Du plomb dans leur matière grise, hey. Positif à toutes les analyses. Personne va me la faire. Elle est bonne, je la gère. Pas de gomme, cogne en ma terre. Pas de paix sans la guerre. C'est chauffant et quand j'y pense, on dirait que mes couilles sont en vacances. Je vise droit si t'entends clic-clac. Tu ferais mieux de courir en zigzag. C'est pas trompé si je mets que le doigt. Va te plaindre, viens, je connais mes droits. Le paradis n'est pas sur terre. Et y'a pas la clim en enfer. Merco, narco, braco, El Chapo. Je fais des millions à la cité et je vais tout claquer dans le VIP. Sport plus, Rolex, Brabus, j'suis en mode S. Je fais des millions à la cité et je vais tout claquer dans le VIP. Palais fumé, donne-moi une raison. La livraison est bresson, hey. Rentre dans le fion en discrétion, hey. Saute sur ton crâne sans pression, hey. Je me donne raison, hey. Quand tu pouquines, nous nous taisons, hey. Fusil à grande précision, hey. Planqué sous le lit à la maison, hey.